comment vous allez, vous? Parce que ici, ça va. Il fait chaud seulement. Ah ouais. Déjà, Marc, là, juste avant, était quasiment nu. Et moi, je suis nu. Mais c'est pas grave, on fait de la radio. Donc, ça va être juste sonore. Ça va très, très bien. Mais je vous dis pas la chaleur. Il fait au moins 40 degrés dans le studio. On a tous les ventilos qui tournent. Et on a des hôtesses qui nous amènent de temps en temps une petite boisson, un petit rafraîchissement. C'est très très sympa. Bref, soyons un peu sérieux. C'est la saga des Fab Four numéro 565. Nous sommes le 31 mai 2023. Et l'album de la semaine, c'est Flaming Pie par Paul McCartney en 1997. Qu'est-ce qu'on écoutera pendant cette soirée? On écoutera The World Tonight. On écoutera Some Days. On écoutera The Song We Were Singing également. Calico Skies, ça on ne pouvait pas rater. Little Willow et Heaven on a Sunday, avec la présence de James McCartney, le fils de lui-même, de Paul. Oui, je dis de lui-même parce que, en fait, Paul McCartney s'appelle James Paul McCartney. Mais on l'a toujours appelé Paul McCartney. Bon. Il y aura aussi du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Oh My Love en 1971 sur l'album Imagine. Pour George Harrison, ce sera Living in a Material World sur l'album éponyme en 1973. Living in a Material World. Ringo Starr nous chantera Waiting sur Sentimental Journey en 1970. Quant aux Beatles, ce sera Hello, Goodbye. En 1967 sur Magical Mystery Tour. Pour le reste, il y a des petites surprises en lieu et place des covers. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons laisser place à la première chanson de la soirée. La chanson, c'est The World Tonight, Monsieur Paul McCartney, sur ce très très bon album qui s'appelle Flaming Pie. Bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Sitting in the center of a circle, everybody wanted something from you. I saw you swaying to the rhythm of the music, caught you playing with the voice inside you. Celui qui fait la préparation sonore d'aller se pointer à la NPE parce qu'il s'est trompé, il a mis la démo. Mais c'est pas grave. Voici Oh My Love sur RIG 90.7, la radio des Beatles. First time in my life, my life.

Alison Taylor, qui travaillait pour Brian Epstein, demanda un jour à Paul McCartney comment il composait ses chansons. Et Paul l'emmena dans son salon pour lui faire une démonstration sur son harmonium. Il dit à Alistair, j'ai dit Alison, ça devait être Alistair, hein, pardon, à Alistair Taylor de crier le contraire de tout ce qu'il chantait tout en commençant à jouer. Ce qui donna noir, blanc, oui, non, hello, goodbye, bonjour, au revoir, etc. Je ne me souviens plus du tout de la musique, raconta plus tard Taylor. Il faut que vous compreniez que les musiques étaient aussi courantes autour des Beatles que les chenilles en mai. Certaines deviennent de magnifiques papillons et d'autres se dessèchent et meurent. Je ne sais pas si Paul McCartney a vraiment composé la chanson à mesure qu'il avançait ou s'il avait déjà quelque chose en tête. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, il est arrivé au bureau avec une maquette du nouveau 45 tours « Hello, goodbye ». La fin de la chanson, durant laquelle les Beatles répètent « Hey la, hey aloha » vient spontanément en studio. Aloha, c'est une façon affectueuse de dire bonjour en hawaïen. Hello Goodbye n'est peut-être qu'un simple jeu de vocabulaire mis en musique, mais dans l'ambiance mystique de 1967, le public attendait de Paul une explication plus profonde. Dans une interview pour le mensuel Disc, il eut l'amabilité de fournir une explication. La réponse est que tout est simple. C'est une chanson qui parle de tout et de rien. Si tu as le noir, tu as le blanc, ce qui est extraordinaire dans la vie. Hello Goodbye, sorti en 45 tours en novembre 1967, et grimpa aussitôt au sommet des charts. Le cœur des Aloha de la fin fut repris dans le film Magical Mystery Tour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là. Et revoici venir le bout du nez de l'album de la semaine, l'album Flame and Pie, pourquoi j'ai un doute, de Paul McCartney en 1997. Some days, superbe. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is. Who won the match or scored the goal? Some days I look at you with eyes that shine. Sometimes I laugh I love to think how young we were. Sometimes it's hard to know which way to turn. Don't ask me where I found that picture on the wall, how much it cost or what it's worth. Sometimes I laugh to think how young. Tell us what is real inside each one of us is love, and we know how it feels. Some days I cry for those who live in fear. Some days I don't remember why I'm. Reminding me what time of day it is, who ran the race or came in first. Some days I cry for those who live in fear. Some days I look at you with eyes that shine. Girl, dark. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I'll love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Talent des Beatles en deux ans, 1965, Drive My Car sur Rubber Soul et à l'instant I Want to Tell You, Monsieur George Harrison sur Revolver, mais c'est la version 2022 super deluxe que je vous ai proposée ce soir. D'ailleurs, George Harrison, c'est parce que j'en ai envie, je vous le propose encore deux fois avec This Song en 76 et trois ans plus tard Faster sur l'album George Harrison. George Harrison a fait beaucoup de talents qui étaient pas mal retenus par Monsieur McCartney et Monsieur Lennon. Le voici dans sa grande forme sur RIG. Thank you. veux bien l'écouter. George Harrison était un grand dingue de la F1. Il était copain avec des grands pilotes. Et il a voulu en faire une chanson très belle sur l'album George Harrison. Voici Faster, plus vite sur RIG. Repartons du côté de l'album de la semaine. Remettons-nous dans le bain de ces années-là. En 1995 et 1996, ce sont les anthologies Beatles, auxquelles évidemment McCartney participe. Et EMI avait suggéré à McCartney de se mettre provisoirement au vert durant la période de commercialisation de l'anthologie des Beatles.

do you have while you make a move? You wanna be bold, but there's nothing left to prove. Go on and enjoy the love that is staring at you, never runs away. Discuss all the vast intricacies of life. Yeah, we could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Les versions que vous entendez sont extraites de la Deluxe édition sortie en 2020 de cet album Flame and Pie, et on peut constater que on peut aimer les deux. Là, c'est vachement plus c'est moins travaillé, il y a des paroles différentes quelquefois, c'est plus simple, alors que écoutez la version finale de 1997, c'est vraiment très très bien aussi. Et la semaine dernière, si vous étiez là, je vous avais parlé de deux chansons que je n'aimais pas sur l'album de Ringo Starr, et je ne me souvenais plus si je vous avais passé ces deux chansons-là. On a écouté la semaine dernière la chanson, c'était quoi? C'était pas Stop and... Non, c'était Drumming is My Madness. Il ne restait plus qu'à écouter aujourd'hui Stop and Take the Time to Smell the Roses sur l'album Stop and Smell the Roses. Je vous ai dit que c'est deux chansons que j'aimais beaucoup moins, que je trouve très banales par rapport au reste, alors que le reste est franchement bien. Et je vous propose cette chanson-là et vous me dites ce que vous en pensez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, bien entendu. Stop and take the time to smell the roses. Stop and take the time to fill your noses. Stop as you stroll through life. Pitter patter. Take the time to read the label. Stop. You must remember Clark and Betty Grable. Stop. There's no train to catch. No, there isn't, brothers. No, no, no. Come on, everybody. And take the time to stop that smoking. Stop before that light turns green. You won't be blue. the day. You know, and I said to myself, what's all this hurry? What's all this hustle and bustle? Why don't I just stop? Look at the pretty roses, smell them for one moment. Take the time to see, take the time to smell. Have a good time in life, don't let everything pass you by. You're only here once, and I've been here longer than most of you. So stop, and take the time to buy this album, so I can plant roses and smell them all day long. Stop everything you're doing, run to your local record shop and say, give me that record. Call, stop. I'm going crazy with this record business. I want to stop it. You want me to stop it. Everybody wants it to stop. Well, I'm leaving it now. Bon, c'est le côté marrant de Ringo. Et puis, comme dit Stella sur Facebook, ça a le côté Année Folle aussi qui sauve un petit peu la chanson. Mais franchement, il y a de bien meilleures chansons sur cet album-là. Bref, et si on retournait du côté des Beatles, Ticket to Ride, ça vous parle ? Allez, on y va. You'll be all that

Lorsque Julian est né en 1963, John Lennon n'a franchement pas pris le temps de s'occuper de son fils. Il était trop accaparé par les Beatles et il n'a pas vécu son, il n'a pas fait son rôle de père. En 1975, lorsque Sean a né, en plus il est né le même jour que John, autant vous dire que c'était une chance sur 365 absolument incroyable. Bref, il s'est dit « j'arrête la musique pendant un certain nombre de temps pour m'occuper de mon fils ». Et lorsqu'il a eu envie de revenir à la musique en 1980, il lui a composé cette chanson « Beautiful Boy » pour dire « je t'aime mon fils ». Et il l'aimait, c'est certain, c'est certain. Voici l'album de la semaine, encore des versions alternatives, Calico Sky sur RIG. Je pense que ça mériterait presque que la semaine prochaine, je vous refasse la même émission, alors avec des chansons autres pour les Harrison, Starr et John Lennon et les Beatles, mais que je vous refasse le même album, mais cette fois-ci l'album réellement sorti en 1997. Parce que là, en écoutant les versions démo pour la plupart, je reste un petit peu sur ma faim. C'est bien, c'est sympa, mais les versions finales sont quand même vachement bien, hein? Alors, soit on fait ça la semaine prochaine, soit on attend 2-3 émissions, de façon à... Parce que c'est un très bon album qui mérite qu'on entende les versions finales. C'est ce que je pense, moi. En principe, on est au moment de la chanson, vous savez, la cover, mais cette fois-ci, j'ai décidé de sortir un petit peu des sentiers battus, parce que depuis quelques semaines, pas très longtemps en tout cas, fleurissent sur le web des chansons chantées par un ordinateur, par l'intelligence artificielle. Et vous pensez bien que les Beatles ne sont pas ratés. Je vais vous proposer ce qu'aurait peut-être, alors mettons ça avec des pincettes, pu être l'album que j'aurais voulu entendre en 1995, juste avant les autologies, les Lennon, McCartney, Harrison, Starr se rassemblent et font un album qu'ils appellent par exemple « Now and Then ». Et ils nous font 10 chansons, voilà. Et puis, il y en a pour Harrison, il y en a pour Starr, il y en a pour McCartney, il y en a pour Lennon, forcément. Je vous propose Free as a Bird, en version modifiée par l'intelligence artificielle, comme si Lennon était là, et il en sera de même pour Real Love et pour Now and Then. Écoutez, ça vaut le coup de l'entendre au moins une fois, je trouve. into the life that we once knew. Le débat est ouvert, ça ne plaît pas beaucoup aux vrais fans, mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements, mais demain, est-ce qu'on pourra faire la différence entre un inédit chanté par McCartney et un inédit créé par l'intelligence artificielle? Allez savoir. C'était le seul moment intelligence artificielle, on va dire, de l'émission. On reprend avec des vraies voix. Thank you. Waka Wa Posse Posse, je comprends mieux. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Flam & Pie, la version deluxe sortie en 2020. Je vous propose Little Willow, cette très très belle chanson poignante que Paul McCartney a écrite pour les enfants de Ringo Starr qui venaient de perdre leur mère Maureen. C'est vous qui l'avez décidé, on refait la semaine prochaine le même album de la semaine, sauf que ce sera les chansons extraites de l'album original de 1997 et non pas la réédition de 2020 avec des chansons extrêmement sympas, des chansons brutes de décoffrage, les versions démo si on veut, quelque chose comme ça, mais pas les versions finales qui sont extrêmement belles et qui sont à écouter, ça c'est une certitude. Tiens, voilà que se pointe George Harrison dans une reprise, il y a longtemps que je ne vous l'avais pas passé, avouez. Baltimore Orioles sur Somewhere in England, c'était en 1981. RIG 90.7, la radio des Beatles. why she can't sing. Make a lonely man happy, Baltimore. Come down that comme Eric vient de rentrer dans le studio, il est 21h33, je le dis, dans 30 minutes exactement, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Bien vu. Don't make me cry. parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Alors là, par rapport à l'habitude, je vous ai fait un double coup double. D'abord, quand on passe un album, une chanson du White Album, c'est vrai que je la double, parce que c'est un double album. Et c'est un doublé de Ringo Starr, deux fois Ringo Starr dans la même soirée, mais c'était volontaire, c'était prévu. Don't Pass Me By d'abord, et Good Night. Alors justement, là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, si vous avez suivi l'émission, que John Lennon n'avait pas été présent pour Julian durant ses années Beatles, sauf là. Cette chanson ressemble beaucoup à ce que pourrait avoir fait Paul McCartney, sauf que c'est John Lennon qui l'a créé pour son fils Julian, Goodnight, et il l'a donné à Ringo parce qu'il pensait que c'était trop sirupeux pour que ce soit lui qui la chante. Et pour la petite anecdote, puisque vous savez que John Lennon parle de lui et crée des chansons à son sujet, eh bien, à ce sujet-là, cette chanson Goodnight, eh bien, moi je la chantais à ma fille quand elle avait 3 ans. Elle voulait l'entendre le soir pour se coucher. Elle attendait que je la chante et... C'est plutôt des souvenirs qui restent, c'était plutôt sympa. Dernier extrait de l'album de la semaine, Heaven on a Sunday sur RIG. Peaceful, like heaven on a Sunday. Wishful, not thinking what to do. Calling in love, but it's a dream

quelle chanson? Je pense qu'on la réécoutera peut-être la semaine prochaine. Allez, deux chansons de Ringo. Dead Giveaway, extrait de Stop and Smell the Roses sur RIG. Et on terminera par Eye to Eye. Ensuite, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Histoire de ne pas finir trop en retard, on va peut-être pas passer la chanson Eye to Eye en entier, à moins qu'Eric lève la main et dise « Ouais, vas-y mon gars, je te donne l'autorisation de déborder un petit peu. » 3 minutes. Il m'a dit « Vas-y ». Donc on écoute en entier. C'est parti, Eye to Eye, de façon à bien mettre la pêche pour Eric et Johnny de A à Z. that seems so long ago. Well, nothing's changing if you don't believe me. Look out your window. Gentil avec Eric et couper la chanson, puis je me suis dit, oh, il reste 25 secondes, c'est trois fois rien. Alors merci Eric, et puis merci à vous toutes et tous d'être là tous les mercredis entre 20h et 22h02, plus ou moins à peu près. Et je sais que, écoutez, merci. Hein, voilà, merci. À la semaine prochaine, salut, ciao.